Au sport. Le 28 février, au hockey mineur, dans la Ligue Simple Lettre à Offer de Saint-François, l'équipe a tombé des Sharks du Haut-Saint-François et à Magog pour affronter les Cantonniers 2 à 15h. L'équipe Bantam A est aussi à Magog à 18h45. Dans la Ligue de soccer juvénile masculine Division 2, Louis Saint-Laurent est à la maison pour 3 matchs. Les adversaires, l'école secondaire de Bromptonville à 9h et à 15h15 et La Ruche à 12h45. Le 1er mars, au hockey mineur dans la Ligue Simple Lettre Offer de Saint-François, l'équipe novice des Sharks du Haut-Saint-François visite Hockey Expert Sherbrooke à 12h15 au centre Philippe Bergeron. L'équipe novice A est à Stanstead pour affronter les Cantonniers de Magog à 9h15. L'équipe Midget A accueille Thibault GM Sherbrooke 2 à Istinguis à 13h30. Et l'équipe Midget B est à Stanstead à 16h30 pour affronter Frontalier 1.